À force d'être trop prudent, c'est ta vie qui risque de devenir une putain de corvée. Yeah. L'architecte. Prends pas dans l'œil. Les verrous de nos cas. Ouais. Ah. Je suis le premier inscrit sur le tableau car à sa grande ligne j'excelle. Ouais, je suis toujours en tête même si la peu me ralentit, j'excelle. Bon dosage que je mets sur l'accélérateur. Si le classement est faux, c'est qu'il y a là les vrais gratteurs. Affalé sur mon canapé, je gratte jusqu'à n'avoir plus d'inspi. J'ai la tête dans les étoiles mais faut que je me bouge car je n'ai plus qu'un spige. Je me dois d'être productif mais j'ai beaucoup trop d'anxiété. Mais je montre rien comme Heisenberg en anxiété. On est dans le deal de rimes riches mais t'en fais ta mine. Je ne m'inclinerai pas même quand les grands maîtres arrivent. Je fais que brouiller les pistes tandis que la tête de lecture déconne. Je fais des apparitions éclairs et juste avant la fermeture je décolle. Je gravais les sommets pourtant je ne laisse que battre de les Pyrénées. En étant fils unique c'est grâce à RAP que mon empire est né. Une critique car on traîne en porte comme si Piranha. Je vois que t'es jaloux de moi et je crois que je ne connais pas de Pyrénées que toi. Je regarde des films en noir et blanc et j'écoute du piano piano. J'aime les voix de femmes et je n'aime pas ce que fait soprano prano. Je veux que le prof et ses DM, je veux juste que l'on se coupe du monstre. Je fais péter les décibels, c'est pour que t'écoutes ces foutus sons. J'ai pas de bol, je côtoie ces réalisateurs qui gèrent le blé grâce à mon talent vert. Ouais, c'est ce que je suis quand j'observe le monde à l'envers. Tu déconnes, mais y'a encore des types qui voient l'envers du décor de mon monde. Même Pascal, le grand frère, tu déprodes. Éclate élémentaire, c'est élémentaire. Je crois que la télémentaire, je creuse et pose la TNT. Prise dans le tour avec l'élémentaire. De Mars à Paris, tu me verras improviser ta cune. Seule chance, je suis au-dessus, pourtant je laisse improviser la lune. Je ne rentre dans aucune de vos cases. J'ai un don, c'est de maîtriser l'orage de la première au cas. Je ferai sauter les verrous de nos cas.